qu'elle soit riche ou pauvre, sa couleur lui colle à la peau. Elle vit du frisson des grands fauves, le regard des siens reste un fardeau. Son cœur est douceur et courage dans un empire de solitude, car sur cette terre comme dans une cage, on ne tolère pas l'incertitude. À tous ceux qui brisèrent leurs chaînes, à toutes les tigresses en prison, cracher la haine, c'est plus la peine. Favoriser l'évolution, briser dans l'œuf les préjugés, noir drapeau de la révolution, noir drapeau pour la liberté. Let's get it.